nouvel album, l'équipe. En espérant que tout le monde est parti le pécho. Merci le Gire. Surprise, attendez, on va voir comment ça se passe. Bougez pas. Check. Ah, ça fait un vrai rôle, ça.